mère ou femme souffrir. Connaissant vous m'paguez la vie. Donc si caresse avec tendresse, qu'on ça m'a qu'imbé. Ou c'est soleil qui clairait vie, ou qui jodi en veut aller. Tant si c'est comme cap déchiré, moins décontrôlé. Qui montre la vie, c'est où tout, c'est où c'est qui à moi, c'est où qui montre l'amour. Moi connais bien que faire la peine, mami chérie, faut qu'on pardonne moi, mais nous pas qu'à guetter fâché, bonne réconcilier. Au fin gâter moi abandonner, l'amour pour ou pas j'aime faner, quand tu gâter je m'a souffri, ma fin de péri. C'est où, toutou, c'est où, amour, c'est où, c'est vous qui montrez la vie. C'est où, toutou, c'est où, c'est qui que moi, c'est où, c'est vous qui montrez l'amour. C'est vous qui montrez l'amour.